Bonjour, madame. On vient vous livrer les chaises et la table que vous avez commandées. Ah, très bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une erreur. J'avais commandé des chaises noires. Regardez, elles sont blanches. Ah, mais madame, c'est pourtant la bonne référence, hein? Vous vous êtes peut-être trompée dans la commande. Bien sûr que non. Regardez le bon de commande. C'est la bonne référence. Mais ce ne sont pas les chaises que j'ai commandées. Ah oui, c'est vrai. Il a dû y avoir une erreur. Hein. C'est pas notre faute. Bien sûr que ce n'est pas votre faute. Mais vous savez, c'est la deuxième fois que ça arrive avec votre magasin. Je ne trouve pas ça normal. Madame, il faut que vous téléphoniez au service clientèle.